Gabriel. Tu voulais mon esprit, ton amour étrange, ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes bras je meurs chaque soir. Tam, tam. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Oh, si tu finis pour moi, je ne veux plus voir mon esprit.